Il y a une dame qui s'appelle Ginette, qui est une personne tout à fait normale, que Sylvain a appelé sans le faire exprès un matin pour faire un répétor. Mais alors, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette dame? Mais en fait, elle critiquait tout. La technique, c'est quoi? C'est lui dire bonjour, ça va? Non, la technique, c'est de lui parler et de lui demander ce qu'elle pense. Appelons cette dame qui s'appelle Ginette, nous allons voir si elle est en pleine forme. Bah, reparle-lui, tiens, avec ton copain. Tiens, allez-y. Ginette? Oui? Bonjour, c'est Sylvain de la radio. Oui? Comment allez-vous? Très mal. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a une espèce de con qui m'appelle tous les matins. Il commence à m'emmerder. Ah, c'est insupportable, ça. C'est insupportable, hein. C'est pas votre médecin? Non, c'est pas mon médecin. Mais le jour qu'il va payer cher le nôtre, hein, je vous le dis. Puis les têtes de lard qui sont à côté avec, hein. Je pourrais vous passer un ami? Je suis avec un ami qui voulait vous dire bonjour. Oui, mais moi, l'ami, c'est pareil, hein, qu'il aille se faire au soleil. Hein. Ah, au soleil, d'accord. Il s'appelle Coué. Non, mais demande-lui ce qu'elle pense de moi avant. Oui, alors là, tous vos problèmes d'argent, vous pouvez vous les garder. Maintenant, j'annule tout et je mets tout au crédit agricole. Vous avez fait une raison. Votre banquier, il est pas sympa? Non, pas du tout. Ah bon? Des vraies têtes de larmes. Ah bon? Ouais. Et le maire de la ville, il est bien? Très bien. Très bien, le maire. Il est bien. Raffarin? Le maire est bien. Raffarin, notre premier ministre. Oh, celui-là, faut pas m'en parler. Pourquoi? Oui. Oui, bah oui, mais pourquoi? Oui, parce que... D'accord. Et sinon, vous aimez bien Coé? Coé, et puis la bonne femme qui est derrière Coé, qui est aussi pareil, elle s'est fait bronzer. Ah bon, pourquoi? Bah, elle fait déjà beaucoup d'UV, vous savez. Mais vous, pourquoi faut qu'elle aille se faire bronzer? Eh bien, parce qu'au soleil, on se fait bronzer. Hein. Mais vous l'aimez pas, la blonde qui est derrière Coé? Non, c'est pareil. Et c'est Coé... la même bande. Ouais, pourquoi? Et Coé non plus, vous l'aimez pas? La bande à Bono. Non, la bande à Coco. Et Coé, vous l'aimez pas non plus? Non plus. Pourquoi? Il est gentil. Parce qu'il est moche comme tout. Oui, c'est vrai. Et puis moi, il y a vraiment des bons à rien qui sont payés à rien foutre. Ah là, qui travaille avec lui, là? À la télévision? Oui, non, quand tu parles. Dites-moi, vous lui reprochez quoi à Coé? À Coé? Moi, je dis qu'il est moche, hein, Coé. C'est tout? Il est moche, il douche, il est mal foutu, il parle mal. Calme-toi, mais il douche, il douche. Attends. C'est un quoi? C'est un clown. Oui, ça va. Ça, triste, ça, mais alors que la blonde derrière, elle est très très moche. Hein. Oh oui, ben ça, c'est sûr. Et puis elle est vieille surtout. Vous avez vu qu'elle est vieille? Oui, puis elle est grosse. Ah oui, elle est très très grosse. Puis elle a des seins qui tombent. Vous avez pas vu? Oh ben il va falloir qu'elle se fasse revaudrer. Hein. Ah non, elle arrête pas. Et à la télévision, vous aimez bien qui sinon? Ah non, j'aime personne à la télévision, je suis pas assez bête pour regarder ça. Nico Saliagas, vous aimez bien? Non, j'aime rien. Ah, Julien Courbet? Ah, je l'adore. Vous voyez, Julien Courbet. J'adore parce que Julien Courbet, je vais lui téléphoner, puis je vais lui dire, il y a une bande d'énergumènes et là qui commence à... Courir sur le haricot. Les feux de l'amour, vous aimez bien? Oh, et j'adore. Hein. Ah bah ça m'étonne pas. Ah, faut pas me contrarier avec ça. Hein. Et vous avez vu Victor Newman, quel salaud dans la saison. Mais je suis dans le coup. Hein. Il est beau Victor Newman. Oh, il est super. Et sa fille, sincèrement, je la trouve un peu conne, Victoria. Pareil, c'est comme celle qui est derrière Coé. C'est les mêmes, hein. Mais Victor c'est le Newman, même gabarit. Vous trouvez pas que Victor Newman, il a un petit côté Coé dans le physique? Oh, bon, Vous trouvez pas que Coé ressemble à Victor Newman? Pas du tout. Pourquoi? Attention. Faut pas confondre tour avec alentour. Hein. Contour avec alentour, mais pourquoi? Non. Ah, attendez, excusez-moi. Coé porte bien cette même classe que Victor Newman. Non, j'aime mieux Julien Courbet à toi, c'est tout. Hein. Ah, vous préférez Julien Courbet à Coé? Ah oui. Pourtant, Coé, il a une espèce de classe, une élégance. Oh, tu parles! C'est vrai? Ah bon, le gros porc! Ah, mais alors ça, vous voulez que je vous dise un truc? Attendez, vous voulez dire par là qu'il est un peu rondouillard? Oh, il a les deux. Et s'il vous proposait de passer une nuit? Pas du tout. Moi, il faut quelqu'un de bien. Mais attendez, mais très jeune. Mais il a très dynamique. Mais il faut pas des pff, non. Attention, je suis plus exigeante que ça. Hein. Mais il a de très jolis yeux quand même. Oh, il louche. Ouais, c'est vrai. Mais il louche. Non, c'est vrai, elle a raison. C'est la raison. Elle dit que je suis gros, d'accord, mais je louche, je l'emmerde. Non, elle a raison. T'as un petit strabisme. Et la blonde, vous aimeriez pas que ce soit votre fille? Non, elle est trop vieille. Elle est vieille. Pas du tout. Elle est moche. Du tout. La blonde derrière. Hein. Elle ressemble à ma belle-fille. Et votre belle-fille est moche. Votre belle-fille est moche. Bon, Ginette, en tout cas, on voulait vous faire un bisou. En tout cas, j'en passe Sylvain, tiens. Votre médecin va mieux? Oh non, hélas. Je vais en prendre un jeune maintenant. Hein. Qui me auscule de partout. Ah bon? Parce que les vieux, ils auscultent pas. Ils osent pas, ils ont peur. Ah, mais les jeunes médecins, si. Et voulez-vous faire toucher par un jeune? Ah bah, bien sûr. Hein. Ah bah, hey. Bon, bah, je vous fais des bisous, Ginette. Allez, moi aussi. Hey. Allez, bisous, Ginette. A bientôt, je vous embrasse. Ciao. À bientôt. Et vive Coé. Au revoir, et à bientôt. Et vive les gros.